son secret, ma vie a son mystère, un amour éternel, en un moment conçu. Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçu, toujours à ses côtés et pourtant solitaire. Et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Elle suit son chemin, distraite et sans entendre ce murmure d'amour élevé sur ses pas. À l'austère devoir, pieusement fidèle, elle dira en lisant ses vers tout remplis d'elle, quelle est donc cette femme, et ne comprendra pas. Thank you. La douceur.